Je n'ai en moi de quoi sourire ni au passé ni à l'avenir. Je vieillis sans postérité dans ma maison vide et tout entouré des tombeaux de ceux que j'ai aimés. Je ne fais plus un pas hors de ma demeure sans me heurter le pied à une de ces pierres d'achoppement de nos tendresses ou de nos espérances. Ce sont autant de fibres saignantes arrachées de mon cœur encore vivant et ensevelies avant moi, pendant que ce cœur bat encore dans ma poitrine comme une horloge qu'on a oublié de démonter en abandonnant une maison et qui sonne encore dans le vide des heures que personne ne compte plus. Tout ce qui me reste de vie est concentré dans quelques cœurs et dans un modeste héritage. Et encore, ces cœurs souffrent par moi, et ces héritages, je ne suis pas sûr de n'en être pas dépossédé demain, pour aller mourir sur quelque chemin de l'étranger, comme dit le Dante. Les chenets sur lesquels mon père appuyait ses pieds, et sur lesquels j'appuie encore les miens, sont un foyer d'emprunt qu'on peut renverser à toute heure. On peut les vendre et les revendre au moindre caprice à l'encan, ainsi que le lit de ma mère, et jusqu'au chien qui me lèche les mains de pitié quand il voit mon sourcil se plisser d'angoisse en le regardant. Je dois compte de tout cela à d'autres. Ils y ont déposé, sur la foi de mon honneur et de mon labeur, l'héritage de leurs enfants, le fruit de leur propre sueur. Si je ne travaillais pas tous les jours pour eux, que dis-je, si je dormais mes nuits pleines, ou si une maladie, que Dieu me l'épargne à moi l'heure, venait à arrêter un moment ma plume, l'outil assidu que j'eusse pour eux, ces braves amis péricliteraient avec moi. Ils seraient obligés de chercher dans mes cendres leur fortune. Ils la retrouveraient tout entière, sans doute, mais ils ne la retrouveraient que sous mes démolitions.